بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني لأفرح بهذا اللقاء مع إخوتي الذين جاءوا من بعيد ومن قريب. Et certes, je suis très heureux de cette rencontre avec mes frères qui sont venus de loin ou de moins loin. فَالْكُلُّ يَسْتَفِيدُ مِنَ الْآخَرِينَ. Et chacun profite des autres. وَكَذَلِكَ أَفْرَحُ بِالْمُشَارَكَةِ مَعَ أَخَوَيْ الْفَاضِلَيْنِ الشيخ حسن أبي عبد الرحمن وَكَذَلِكَ أخينا مهدي أبي عبد الرحمن المغربيين. Et aussi, je suis très heureux donc de cette participation avec mes deux frères, mes deux nobles frères, le Cheikh Hassan Abou Abdelrahman et notre frère Mahdi Abou Abdelrahman, les deux frères marocains. Wallah as'al an yuwaffiqana wa iyyakum lima fihi ridha. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde ainsi qu'à vous la réussite, qu'il nous permette d'accomplir ce qu'il agrée. Thumma ukarrir farahi bimithli hadhihi al-ijtima'at allati hiya asbabun li'idkhali as-surur fil qulub. Et encore une fois, je répète ma joie concernant ce genre de rencontres qui sont des causes qui vont faire rentrer le bonheur dans les cœurs. Kama annaha asbabun lizdiyad al-iman wa taqarrub al-qulub. De la même façon que ce genre de rencontres sont des causes pour augmenter la foi et pour que les cœurs se rapprochent. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yubarika lana wa iyyakum fi hadhihi al-liqa'at. وقبل الشروع في الموضوع أحببت أن أقدم ثلاثة مقدمات. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord donc commencer par trois introductions. Inch'Allah ta'ala. الأولى فضل الاشتغال بالعلم. La première qui est les mérites quant au fait de s'occuper par la science. وَذَلِكَ لِأَنَّنَا كُلَّنَا جِئْنَا لِلْعِلْمِ. Et cela parce que nous sommes tous venus pour la science. الموضوع الثاني آداب من آداب المعلم والمتعلم. Des mœurs parmi les mœurs et les comportements de l'étudiant et de l'enseignant. Et troisièmement, شَيْءٌ مِنْ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ مَالِكِ مَعَ كَلَامٍ يَسِيرٍ عَنْ كِتَابِهِ الْمُوَطَّأِ. Et troisième introduction donc, quelques points liés à la biographie de l'imam Malik, ainsi qu'une brève présentation de son livre, Al-Muwatta. فالمقدمه الاولى donc la première introduction فضل الاشتغال بالعلم le mérite quant au fait de s'occuper par la science. العلم يدعو الى الخشيه. La science appelle à El Khashi, à la crainte, basée sur la science. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, parmi ses serviteurs, parmi les serviteurs d'Allah, ce sont les savants qui le craignent. Ce sont eux qui ont la crainte la plus élevée. قال العلامة السعدي رحمه الله فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله والانكفاف عن المعاصي والاستعداد له والاستعداد للقاء أو للقاء من يخشاه هذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله. Le Cheikh Saadi, rahmahullah, il dit donc, toute personne qui est plus savant concernant Allah, donc qui connaît mieux Allah, alors il aura plus de khashya, il aura plus de crainte. Et celle-ci, donc la situation de cet homme par cette science, cela va impliquer qu'il aura la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il va délaisser les péchés. La science va t'inciter à délaisser les péchés. Et c'est là qu'on revient à ce qu'a cité notre frère Mehdi auparavant. Le fait qu'on est là tous ensemble, mais il faut que ça nous soit profitable. Le fait qu'on apprend et qu'on pratique par la suite. Et donc il dit, le Cheikh Saadi, cela va lui permettre de délaisser les interdits et de se préparer pour la rencontre de celui qu'il craint. Combien de fois on se pose cette question, les frères? Est-ce qu'on est prêt pour cette rencontre? Le jour où tu seras interrogé concernant chaque parole, chaque acte, même ce qu'il y a dans les cœurs. Qul mutu bi ghaydikum. Inna Allaha alimun bi dhati as-sudur. Dis, mourez avec votre rage. Certes, Allah est très connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines. On sera interrogé sur tout. Est-ce que on est prêt pour ce moment? Et donc le cheikh, il nous dit, et donc cela est une preuve montrant les mérites de la science, car celle-ci appelle au fait de craindre Allah. Al-ilmu bihi yatamayyizu al-khalqu. La science, par celle-ci, se distingue les créatures. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il dit aussi, تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah, il élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont eu la science et les élève en degré. Allah tabaraka wa ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi talab al-izdiyad min shay' illa min al-ilm. Allah le très haut, il n'a ordonné à son prophète de demander l'augmentation de quoi que ce soit en dehors de la science. Il ne lui a pas ordonné de demander de l'argent, des biens de ce bas monde. Mais il lui a dit, Kul Rabbi zidni ilma. Dis au Seigneur, augmente-moi en science. Augmente-moi en science. Wattafakuhu dalilun ala iradatillahi l'khayra lil abdi. le fait de chercher à comprendre sa religion est une preuve qui montre que Allah veut le bien pour son serviteur. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البخاري ومسلم cités dans leurs recueils respectifs الصحيحين. Selon Muawiya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont Allah lui veut du bien, alors lui accorde la compréhension de la religion. Al-ilmu yanfa'u sahibahu ba'd mawtihi. La science est profitable à celui qui la détient, même après sa mort. Akhraj al-Imam Muslim fi sahihihi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. البخاري ومسلم du moins مسلم excusez-moi a cité dans son recueil sur Abi Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'enfant d'Adam meurt alors toutes ses œuvres s'arrêtent, s'estompent en dehors de trois. Sadaqatin jariya. Une sadaqa jariya qui va continuer même après la mort de l'individu. Wa ilmin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ou une science profitable même après la mort de la personne. Celle-ci a laissé une science profitable. Les musulmans vont profiter de cette science. Ou alors un enfant pieux qui invoque pour lui. Prenons l'exemple de l'imam Malik. Jusqu'à aujourd'hui, nous profitons de son livre, Al-Muwatta. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc cela nous montre l'importance de la science. Al-ishtighalu bil-ilmi min ahammi ma fi hadhihi ad-dunya. Le fait de s'occuper par la science fait partie des meilleures choses qu'il y a ici-bas. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا. Allahu Akbar. Al-Tirmidhi l'a cité dans son jami' selon Abi Hurairah radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la dunya est mal'ouna. Ce qui est voulu par mal'ouna ici dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah ay madhmouma. La dunya, cette vie d'ici bas, est blâmable. Cette vie d'ici-bas est blâmable. Et tout ce qu'elle contient est blâmable. Sauf le rappel d'Allah. Illa dhikrallah wa ma wala. Sauf le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit. Tout ce que tu vas donc faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et là va rentrer donc même ton travail licite que tu fais pour pouvoir avoir les moyens de faire talab al-ilm, faire la hijra, pour pouvoir faire les actes d'adoration, les actes d'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. La dunya, ici-bas, elle est blâmable, sauf tout ce qui est fait pour Allah azza wa jal. Ensuite, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Aw aliman » ou un savant, « Aw muta'alliman » ou un étudiant. فأبشروا أيها الإخوة بهذه النعمة التي نحن فيها. Et donc, quelle bonne nouvelle, mes frères, de ce bienfait dans lequel nous sommes actuellement. الاشتغال بالعلم سبيل إلى الجنة. Le fait de s'occuper par la science est une voie qui mène au paradis. Akhraj Abu Daoud an Abi Darda anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah. Celui qui emprunte une voie menant au paradis. Celui qui emprunte une voie, cherchant par cela à étudier la science, alors Allah lui facilite en lui accordant une voie qui mène au paradis. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Et certes, les anges rabaissent leurs ailes par agrément envers l'étudiant en science. وَإِنَّ الْعِلْمَ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Et certes, le savant, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, implorent le pardon d'Allah pour lui. Et aussi, les poissons dans les profondeurs de l'océan. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Et certes, les mérites du savant sur l'adorateur sont comparables aux mérites de la lune lorsqu'elle est pleine sur les autres astres. وَإِنَّ الْعُلَمَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé ni de dinar ou de dirham en héritage. وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Cependant, ils ont laissé la science en héritage. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend cette science aura pris une part pleine. ففي هذا الحديث أيها الإخوة أهمية العلم وأنه ميراث الأنبياء. Il y a dans ce hadith l'importance de la science et que celle-ci est l'héritage des prophètes. والاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالنوافل أي بنوافل العبادات. Le fait de s'occuper par la science est meilleur que le fait de s'occuper par les actes d'adoration surérogatoires. Ce qui est voulu par là, les actes d'adoration du corps, tels que la prière, etc. ذكر الحافظ النووي مجموعة من النصوص التي ذكرتها لكم وغيرها. في المجموع الحافظ النووي il a cité pas mal de textes parmi ceux que je vous ai cités et il en a cité d'autres encore. À faire attention donc pour ceux qui veulent retourner après, donc c'est dans le livre El Majmou de An-Nawawi, la Muqaddima. Il y a certains hadiths qui sont authentiques, certains qui sont faibles, et donc à faire attention. Et donc il en a cité plusieurs. Et ensuite après cela, il dit فَهَذِهِ أَحْرُفُ مِنْ أَطْرَافِ مَا جَاءَ فِي تَرْجِيحِ الْإِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَةِ. Voilà des exemples parmi ceux qui ont été cités montrant qu'il est préférable de s'occuper par la science que les actes d'adoration, c'est-à-dire les autres actes d'adoration. وَجَاءَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ مِمَّنْ لَمْ أَذْكُرُهُ نَحْوَ مَا ذَكَرْتُهُ. Et certes, il a été rapporté par plusieurs parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, ce qui va dans le même sens que j'ai cité et que je n'ai pas citées. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. Il dit la conclusion de tout cela est que ils sont unanimes et que ils sont unanimes sur le fait que s'occuper par la science est meilleur que le fait de s'occuper par les actes surérogatoires du jeûne, de la prière et التسبيح, الذكر, le fait de dire subhanallah, etc. Et autres parmi les actes d'adoration qui sont liés au corps. Wa min dalailihi siwa ma sabaq أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين والنوافل المذكورة مختصة به. Et parmi les preuves qui montrent cela, qui montrent qu'il est préférable de s'occuper par la science, parmi les preuves qui montrent cela, il y a le fait que le profit de la science est général et qu'il englobe celui qui le détient. Celui qui la détient, donc qui détient cette science, et les autres musulmans. Tandis que les actes surérogatoires qui ont été cités, la salat, le jeûne, alors ceux-ci sont spécifiques et propres à celui qui les accomplit. Lorsque tu vas apprendre la science, lorsque tu viens, tu t'assieds, tu apprends quelques hadiths, que tu notes, etc. Ensuite, tu rentres à la maison et tu enseignes à ceux qui sont à la maison, à ta famille, tes proches, les voisins. Cette science que tu as notée sur ton cahier va te permettre donc de faire profiter aux autres musulmans. Il continue en disant Al-Hafiz al-Nawawi وَلِأَنَّ الْعِلْمَ مُصَحِّحٌ فَغَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ مُفْتَكِرٌ إِلَيْهِ. Et car la science est celle qui corrige. La science va corriger les actes d'adoration. Tu commences à savoir qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Et donc la science, elle corrige. Et donc les autres actes d'adoration ont besoin de cette science. Ont besoin de cette science. Voilà, il y en a un qui. Mais par contre, ce n'est pas l'inverse. وَلِأَنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا وَلَا يُوصَفُ الْمُتَعَبِّدُونَ بِذَلِكِ. Et aussi parce que les savants sont les héritiers du prophète. Par contre, les adorateurs, les grands adorateurs, ne sont pas décrits comme tels. Les savants sont les héritiers du prophète. Mais les grands adorateurs, malgré le grand nombre d'adorations qu'ils font, ils ne sont pas décrits comme étant donc les héritiers du prophète. ولأن العابد تابع للعالم مقتد به. Et parce que l'adorateur, il suit le savant. Il suit le savant. مقلد له في عبادته وغيرها. Et il va donc le suivre dans ses actes d'adoration et autres. وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ وَلَا يَنْعَكِسُ. Et il lui est obligatoire de lui obéir. Il est obligatoire à l'adorateur d'obéir au savant. Mais pas le contraire. Mais pas le contraire. وَلِأَنَّ الْعِلْمِ تَبْقَ فَائِدَتُهُ وَأَثَرُهُ بَعْدَ صَاحِبِهَا. Et parce que la science, ses profits et ses traces vont rester même après la mort de celui qui la détient. وَلِأَنَّ الْعِلْمَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Et aussi parce que la science est un attribut d'Allah Ta'ala. Ce qui est voulu par là, c'est que Allah Ta'ala, il n'est décrit que par ce qui est parfait. Que par ce qui est parfait. Et parmi les attributs d'Allah, il y a العلم, la science. Et donc cela montre les mérites de la science. وَلِأَنَّ الْعِلْمَ Fardu kifaya. A'ni. El-ilmu alladhi kalamuna fi. Fekane afdalu minan nafila. Et donc ensuite il dit, Al-Hafidh al-Nawawi, et aussi parce que la science est une obligation communautaire. C'est-à-dire, si certains accomplissent cet acte, alors les autres n'ont pas de péché. Mais si tout le monde délaisse cet acte, nous prenons tous le péché. Et donc, il dit, la science est une obligation communautaire. Je veux dire par là, la science dont nous parlons actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a, des sujets dans la science qui sont obligatoires. Et certains qui sont, donc, parmi les sujets obligatoires de façon communautaire. Il y a certains qui sont obligatoires à toute personne. Il est obligatoire à toute personne d'apprendre quelle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pour savoir comment, donc pour savoir quelle est cette croyance qui te permet de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est obligatoire à tout musulman d'apprendre la prière, comment prier. Puisque donc, tu vas accomplir cet acte d'adoration tous les jours. Tout ce qui te concerne à toi de façon spécifique, t'es obligatoire. Tu es commerçant, il t'est obligatoire de connaître les règles du commerce. Ce qui est halal, ce qui est haram. Et donc, il y a certains sujets dans la science qui sont obligatoires à tous, et d'autres qui sont obligatoires à certains, mais pas à d'autres. المقدمة الثانية. La deuxième introduction, آداب من آداب المعلم والمتعلم. Des comportements et des mœurs parmi celles de l'enseignant et de l'étudiant. أولا ما هو السبب في إدخال آداب المعلم والمتعلم في هذه المقدمة؟ Quelle est la cause qui a fait qu'on aborde ce sujet dans l'introduction? أننا في هذه الدورة سنرى معا كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك وهذا داخل في الآداب. C'est que nous allons voir durant ce séminaire le chapitre du bon comportement tiré du Muwatta de l'Imam Malik, et cela fait partie des mœurs. فرأيت من المناسب أن نذكر أيضا شيئا من آداب المعلم والمتعلم لكوننا جئنا هنا نشتغل بالعلم. Et donc je vois qu'il est convenable qu'on aborde avant tout le comportement et les mœurs liées à l'étudiant et à l'enseignant, car nous sommes tous venus pour nous occuper par la science. ليعلم أن العلماء يهتموا ولا يزالون يهتمون بالأدب. Il faut savoir que les savants, ils accordent beaucoup d'importance, ils ont accordé beaucoup d'importance et ne cessent d'accorder beaucoup d'importance au comportement. Et c'est pour cela qu'ils ont écrit beaucoup de livres sur ce sujet. Imma khassa, soit des livres spécifiques au sujet le comportement, comme Al-Adabul Mufrad, tel que le livre Al-Adabul Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Ou alors des livres qui abordent plusieurs sujets, mais qui vont aussi aborder le sujet du comportement, tel que Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, qui contient aussi Kitab al-Adab, le chapitre du comportement, des mœurs. Wa kadhalika al-Muwatta lil-Imam Malik. Et aussi le Muwatta de l'imam Malik, qui aborde plusieurs sujets, dont un chapitre sur le comportement que nous allons prendre, que nous allons voir pendant ce séminaire. Bi-idhnillah, on va le finir. Il y a 18 hadiths, tout est déjà prêt. Inch'Allah ta'ala, si on arrive à lire donc tout ce qui a été préparé, bi-idhnillah, on va finir. Bel al-Sharia ta'tani bil adab. Mais encore plus que cela, la législation, notre législation, accorde de l'importance au comportement. Beaucoup de personnes, ils pensent que, et souvent je le cite, l'islam, ce sont les cinq piliers de la foi, les cinq piliers de l'islam, ainsi que les piliers de la foi, etc. Et alhamdoulilah. Tu fais la salat, tu fais le hajj, etc. Mashallah. Il y a aussi le comportement, les frères. Le comportement a une très grande importance dans notre religion. Une très très grande importance. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu détiens certes des mœurs et des comportements et un comportement grandiose. Il décrit donc son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ce comportement très louable. Et il dit tabaraka wa ta'ala laqad kana lakum fihi aw fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawm al akhir. Et certes, il y a pour vous un bon exemple pour toute personne qui désire rencontrer son Seigneur, qui désire l'agrément de son Seigneur, ainsi que le jour dernier. Et donc, nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayna an natba'a. Nous devons le suivre et le prendre comme exemple. Fi shu'unihi kulliha, dans toutes ces situations. Wa minha al-adab. Et parmi celles-ci, il y a le comportement. Wa ja'a fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Il a été cité dans Sahih Muslim que Aïcha radhiyallahu anha fut interrogée concernant le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم. Elle a alors dit au questionneur: ألست تقرأ القرآن? Ne lis-tu pas le Coran? Déjà, premièrement, l'importance du Coran. Les frères, combien de fois on lit ce livre dans l'année? Combien de fois? Je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension de Salaf al-Umma, des plus prédécesseurs de cette communauté. Taïm, je suis le Coran et la Sunna, ce Coran que je ne lis pas. Combien de fois on lit le Coran? Combien de fois on le finit dans l'année? C'est vraiment dommage que même nos frères accrochés à la sunna ont du mal à lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut donc surtout pas s'étonner du grand nombre de problèmes que l'on trouve dans la communauté. Parce qu'on a déjà du mal à lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc on doit s'efforcer les frères. Faites-vous un programme. Faites-vous un programme. Dans ma journée, il faut que je donne tant de temps au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'essaie d'apprendre, lire, comprendre, méditer. Et donc, le questionneur, il a dit à Aïcha, bien sûr, je lis le Coran. Aïcha lui a dit alors, son comportement était le Coran. تريد أن تعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن. Tu veux connaître le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم, lis le Coran. Lis le Coran, tu veux connaître son comportement, lis le Coran et médite. أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أبو داود a cité dans son Sunan selon Abi Darda que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance يوم القيامة, le jour du jugement. Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Comment est-ce qu'on peut, après cela, délaisser ce sujet, le bon comportement? Il n'y a rien qui soit plus lourd que cela. Et là, vous allez me dire, mais Abdelkarim, il y a le hadith al-Bitaqa, le hadith de la carte. Cet homme qui est venu, donc au jour du jugement, fait arrafahu ni'amahu, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donc fait reconnaître les bienfaits qu'il lui a accordés. Et aussi, il lui a montré ses péchés dans des parchemins qui vont jusqu'à Moud al-Basar, jusqu'à perte de vue. Des parchemins remplis de péchés. Remplis de péchés. Tout cela sur une balance. Et de l'autre côté de la balance, la carte, la ilaha illallah. Juste ça. Et la ilaha illallah a eu le dessus sur tous ses péchés. Vous allez me dire, mais Abdelkarim, ce hadith-là, il montre clairement que ce qui est plus lourd dans la balance, c'est la ilaha illallah. Et les frères, on l'a déjà vu à la mosquée de Villeroy, c'est pour ça que tous ceux qui ont déjà mis des pieds à la mosquée de Villeroy, ils ne vont pas répondre, Inch'Allah. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rassembler ces deux hadiths, les frères? Comment on fait? Il faut qu'on avance, hein. On a 10 pages à lire. Hein? Barakallahu fik. Ahsan. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Mashallah. On se voit après le coup. Et donc, le comportement, il se divise en deux. Il dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Le comportement envers Allah, le tawhid, obéir à ton Seigneur, et le comportement envers les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fala ta'aruda bayna al-hadithayn. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux hadiths. Pas de contradiction. Wa'lamu anna أول أمر ينبغي على المشتغل بالعلم التخلق به أن يجعل ذلك أن يفعل ذلك لوجه الله فيطلب العلم لله ويدرس إخوانه لله. Et donc sachez que la première chose qu'il convient à toute personne qui s'occupe par la science, première caractéristique qu'il doit avoir, c'est qu'il fasse cela pour Allah. Il apprend la science pour Allah. Il enseigne la science à ses frères pour Allah. Tu n'es pas venu ici pour ensuite repartir. Ah, j'étais au séminaire Furqan. Tu prends la photo. Comment s'appelle déjà le logiciel avec l'application avec les photos là? Snapchat. La photo, Snapchat, Marquez Furqan. J'étais au séminaire, tiens, alhamdoulilah. Non. Tu es venu ici pour apprendre. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Que pour Allah, pas pour qu'on dise de toi, Mashallah, le frère il a appris, il a profité. T'es parti en Égypte, t'as appris l'arabe, pour Allah. T'es parti au Yémen, pour Allah. T'es parti en Arabie, pour Allah. Premier point, premier comportement que tu dois avoir, est tawhid. Al-Hafidh al-Nawawi, il dit encore dans le Majmou'a, il dit, I'alem. أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى. Sache que tout ce que nous avons cité montrant les mérites de l'étude de la science, cela concerne spécifiquement celui qui l'a recherché, donc celui qui a appris la science, recherchant le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le fait pour Allah azza wa jal. La li gharadin min ad-dunya. Wa man aradahu li gharad ad-dunya kamalin aw riyasatin aw mansibin aw wajahatin aw shuhratin aw istimalatin nas ilayhi aw qahri al-munadhirin aw nahwi dhalik. Il dit donc celui qui va le faire, qui va apprendre la science, pour un sujet mondain tel que l'argent, le pouvoir, un poste, la renommée, le prestige, ou alors le fait que les gens penchent vers lui, les gens l'aiment, ou alors le fait d'avoir le dessus sur toute personne avec qui il va débattre, ou autre que cela, alors son cas est blâmable. Il est blâmable. Tu as appris la science pour avoir un poste? Tu as appris la science pour être imam? Tu as appris la science pour être professeur dans telle école? Tu as appris la science? Tout ça, c'est blâmable. Apprends la science pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as appris la science pour un diplôme? Tu veux un doctorat? C'est ce que tu veux? C'est blâmable. Apprends la science pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Man kana yuridu harth al-akhira, nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harth al-dunya nu'tihi minha, wa man lahu fi al-akhirati min nasib. » Celui qui veut labourer le champ de l'au-delà, alors nous lui augmentons son labour. Tandis que celui qui veut labourer le champ de la vie immédiate, alors nous lui accordons une partie. Alors nous lui accordons une partie de cela. À qui nous voulons parmi nos serviteurs? Et cependant, il n'aura dans l'au-delà rien de tout cela. Et donc, si tu veux, quand tu apprends la science, si ce que tu veux, c'est des biens d'ici-bas, Allah, il va t'en accorder, des biens d'ici-bas. Mais par contre, dans l'au-delà, rien du tout. Il continue, Al-Hafiz al-Nawawi, il dit, et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم عجلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quiconque désire la vie immédiate, alors nous nous hâtons à l'accorder à qui nous voulons parmi nos serviteurs, et comme nous voulons. Puis, dans l'au-delà, nous lui assignons l'enfer, dans lequel il brûlera, en étant méprisé et repoussé. Wa qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi, inna rabbaka labil mirsad. Certes, ton Seigneur est aux aguets. Allah, il sait ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que il ne te châtie pas tout de suite que ça veut dire que tu évites le châtiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, wa ma umiru illa liya'budullah. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui accordant un culte exclusif. Hunafa, en se détournant de toute chose qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ayatu fihi kathira. Et les versets qui vont dans ce sens sont nombreux. Fin de citation. Thumma dhakara al-hafidh an-nawawi al-hadith al-mashhur عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه أول من يقضى في الناس يوم القيامة ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها. Ensuite, الحافظ النووي l'a cité le hadith très connu selon أبي هريرة رضي الله عنه dans صحيح مسلم, qui cite donc les premières personnes qui seront jugées parmi les gens au jour de la résurrection. Et parmi eux, il y a celui qui a appris la science et qui l'a enseignée, et qui a lu le Coran et qui récitait le Coran. Alors il sera ramené et Allah tabaraka wa ta'ala lui fera connaître ses bienfaits sur lui, les bienfaits qu'Allah a accordés à cet individu. Et celui-ci va les reconnaître. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui demander: qu'as-tu fait de ces bienfaits que je t'ai accordés? Qu'as-tu fait de ceci? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Il dit: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran. Qala kadhabt. Il dit: tu as menti. Walakinaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim wa ta'allamta al-Qur'ana li yuqala qari wa qad qil. Tu as menti. Certes, tu as appris la science afin qu'il soit dit savant. Et tu as récité le Coran afin qu'il soit dit tu es un récitateur. Et certes, cela fut dit. Les gens, ils ont fait ces éloges ici-bas. Thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Et ensuite, il est ordonné de, il ordonnait donc, Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner donc de s'occuper de cet homme qui sera alors pris, tiré par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et cela nous montre donc le danger du fait d'apprendre la science pour autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Zakara Abu Daoud fi sunani kitab al-ilm باب طلب العلم لغير الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. صححه الألباني رحمه الله. أبو داود il a cité dans son recueil السنن le chapitre de la science, le sous-chapitre du fait d'apprendre la science pour autre que Allah Ta'ala, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend une science qui ne doit être recherchée que pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire, donc, la science légiférée, qui ne doit être recherché que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et que celui-ci ne l'a fait, ne le fait que pour un sujet mondain, obtenir des biens de ce bas monde, celui-ci ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Cela nous montre le danger, ô les frères, de ne pas corriger son intention quand on apprend sa religion. Inch'Allah, 9 minutes. Wamim Mayan Bari Marifatuhu El Amelu Wal Amelu Bihi Ijtinabul Hased. Et parmi ce qui est important de connaître et d'œuvrer avec, il y a le fait de délaisser la jalousie. Délaisser la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la tahasadu, ne soyez pas jaloux les uns envers les autres. La tahasadu, et on verra ce hadith inshallah ta'ala. Wa qala an-nawawi fi al-majmu' wa min ahammi ma yu'maru bihi أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. الله أكبر. Quelle belle parole du Hafid al-Nawawi. Quelle belle parole. Il nous dit, dans le Majmou', et parmi les sujets qu'il est important d'apprendre et d'enseigner, que l'individu ne ressente pas de mal. Que l'individu ne ressente pas de mal par le fait que celui qui lit sur lui aille lire sur autre que lui. Ça veut dire quoi ça? Celui qui lit sur lui aille lire sur autre que lui. Ça veut dire quoi? Vas-y. Voilà. En fait, pourquoi? Parce que souvent, les ulama dans l'ilm al-hadith, ils préfèrent que ce soit l'élève qui lise. L'élève, il lit, et le cheikh, il corrige. L'élève, il récite les hadiths, et le cheikh, il corrige. Et donc, tu ne dois pas être gêné, tu ne dois pas ressentir du mal, parce que celui qui étudie chez toi, il allait étudier ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Ah non, pourquoi tu veux étudier chez Mahdi? Mais restez-nous à Vélo. Pourquoi tu veux étudier? Mais non. On ne fait pas ça, les frères. Au contraire, tu es content. Tu étudies quoi chez Mahdi? Ah ça, mashallah. Jazakumullahu khaira. Beaucoup ont de la jalousie. Ils ont de la jalousie envers leurs frères. Parfois, certains vont partir étudier chez les ulama. Ils reviennent en France et ils voient qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes qui assistent à leur durus. Ils vont être touchés par cette jalousie. Ce mal que tu ressens quand tu vois que tes frères étudient chez autre que toi. Il nous dit, le Hafiz al-Nawawi, il dit, ceci est un mal par lequel est éprouvé les ignorants parmi les enseignants. À cause de leur manque d'intelligence et de leur intention corrompue. Et cela est une preuve qui montre clairement qu'ils ne recherchent pas l'agrément d'Allah lorsqu'ils enseignent. Ce n'est pas l'agrément d'Allah qu'ils veulent lorsqu'ils enseignent, mais on aime bien avoir beaucoup de personnes autour de nous. On aime bien que les gens reviennent vers nous. C'est ça la maladie qui touche beaucoup de personnes. Wa aidan dhakara min adab al-muallimin. Et aussi il a cité parmi les comportements de l'enseignant al-hadhar min al-hasad war-riya wal-i'jab wa ihtiqar an-nas. وإن كانوا دونه بدرجات وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخبيثات. Et donc il dit, il faut se méfier de la jalousie, de l'ostentation, de l'autosatisfaction et du fait de mépriser les gens, même si ceux-ci sont plus bas que toi. Même si ceux-ci sont plus bas que toi. Ceci est une maladie par laquelle est éprouvée beaucoup de personnes qui ont l'esprit souillé. وَتَرِكُهُ فِي نَفْيِ الْحَسَدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى اقْتَضَتْ جَعْلَ هَذَا الْفَضْلِ فِي هَذَا الْإِنسَانِ فَلَا يَتَعَرَّضْ وَلَا يَكْرَهُ مَقْتَضَتِ الْحِكْمَةِ. Et la méthode pour combattre la jalousie, et qu'il sache que la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala a impliqué qu'il a accordé ce mérite à telle personne. Allah, il a accordé quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas accordé à toi. La sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ne t'oppose pas et ne va pas détester la sagesse d'Allah. Celui qui a de la jalousie, il a un problème concernant ce sujet. C'est la sagesse d'Allah. Par sa sagesse, il a accordé à tel frère qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Tu vas le jalouser parce que tu n'as pas compris la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il accorde ce qu'il veut à qui il veut parmi ses serviteurs. Wa tariquhu fi nafyi ar-riya an ya'lama an al-khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu haqiqatan. Et la méthode qui permet de rejeter et de combattre l'ostentation est qu'il sache que les créatures, elles ne lui sont pas profitables. Et elles ne lui font pas de tort de façon concrète. Elles ne peuvent pas. Rappelez-vous le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il donc donne la recommandation à Ibn Abbas, lorsqu'il lui dit Wa'alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Si toute la communauté est réunie pour t'accorder quelconque profit, ils ne pourront le faire sans que Allah tabaraka, ils ne pourront le faire que si Allah tabaraka wa ta'ala l'a écrit te concernant, l'a décrété te concernant. Et donc tout revient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens, en réalité, ils ne te sont pas profitables de façon concrète. فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله وفوت رضاه. Et donc il ne va pas, l'individu ne va pas s'occuper donc à chercher à avoir l'agrément des gens ou autres. Il ne va pas donc fatiguer sa propre personne et faire du tort à sa religion, et rendre ses œuvres caduques, et aussi, donc, accomplir ce qui va entraîner la colère d'Allah, et va lui faire, va causer le fait qu'il ne pourra pas atteindre son agrément. وَتَرِكُهُ فِنَا فِي الْإِعْجَبِ أَنْ يَعْلَمْ تَرِكُهُ فِنَا فِي الْإِعْجَبِ أَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ مِنَّةٌ عَارِيَةٌ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Et aussi la méthode pour combattre et pour rejeter donc l'autosatisfaction, le fait que la science est un bienfait d'Allah, un bienfait qu'Allah accorde comme un emprunt. C'est quelque chose que tu ne vas pas garder. Car certes, à Allah appartient ce qu'il a accordé et ce qu'il a pris. Et que toute chose, Allah tabaraka wa ta'ala a placé toute chose avec une limite déterminée. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْجَبَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْتَرِعُهُ وَلَيْسَ مَالِكًا لَهُ وَلَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ دَوَامِهِ. Allahu Akbar. Et donc tu ne peux pas être autosatisfait de quelque chose que ce n'est pas toi qui l'a créé, et que ce n'est pas toi qui la possède en réalité, et aussi que tu n'es pas sûr que cette chose va rester. Aujourd'hui, tu peux avoir de la science, demain, tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu peux être sur la sunna, demain, tu ne l'es plus. Aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent, demain, tu n'en as plus. Et donc, pourquoi est-ce que tu vas te satisfaire de quelque chose dont tu n'es pas sûr qu'elle va rester chez toi ? وَتَرِكُهُ فِي نَفْيِ الْإِحْتِكَارِ التَّأَدُّبُ بِمَا أَدَّبَنَ اللَّهُ تَعَالَى. Et donc, la méthode pour rejeter le mépris, le fait de mépriser les frères, c'est le fait de s'éduquer, de suivre l'éducation que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous faites pas d'éloges à vous-même. Certes, il sait, il est plus savant de ceux qui craignent, de ceux qui ont la taqwa. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, ceux qui sont les plus nobles parmi vous auprès d'Allah sont ceux qui ont le plus de crainte, le plus de taqwa. فَرَبَّمَا كَانَ هَذَا الَّذِي يَرَاهُ دُونَهُ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى وَأَطْهَرَ قَلْبًا وَأَخْلَصَ نِيَّةً وَأَزْكَى عَمَلًا ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَاذَا يُخْتَمُ لَهُ بِهِ. Et donc le cheikh, al-Hafidh al-Nawawi, il nous dit, et donc il se peut que cette personne que tu méprises, cette personne qu'il méprise, parce qu'il pense que celle-ci est moins qu'elle, et donc à un degré moins élevé qu'elle, que lui du moins, il se peut que cette personne plus pure et que cette personne ait une intention qui soit plus exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala, et des œuvres, et des meilleures œuvres. Et ensuite, il ne sait pas comment il va finir. Il ne sait pas quelle fin Allah tabaraka wa ta'ala va lui accorder. Et ensuite, Al-Hafiz al-Nawawi, il a cité le hadith « Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah ». Certes, l'un d'entre vous, il œuvre en accomplissant les actes des gens du paradis, jusqu'à ce le hadith qui montre que cette personne, donc, elle continue d'œuvrer toute sa vie jusqu'à ce qu'elle soit proche de la mort. Puis, il est précédé par son destin. Et accomplit donc les actes des gens de l'enfer, et il ira en enfer. Et donc, tu ne sais pas comment tu vas terminer cette vie. Alors, pourquoi est-ce que tu méprises tes frères? Pourquoi est-ce qu'on va mépriser nos frères sous prétexte que nous, ouais, on a étudié à Médine, alhamdoulilah, moi je suis mieux que toi? Pas du tout. Quel? La yakulu hada illa jahil. Seul un ignorant va prononcer ce genre de paroles. Je suis mieux que toi parce que j'ai étudié à Médine. Et donc on doit faire très attention à ce genre de comportement. وينبغي للطالب والمعلم أن يجتهد في الدراسة وأن لا يستحي من السؤال ولا يمنع كونه طالبا من الاستفادة من غيره. Et donc il y a le fait que l'étudiant ainsi que l'enseignant, il s'efforce d'apprendre dans l'apprentissage de la religion, et qu'il n'ait pas de gêne, qu'il ne soit pas gêné de demander. Et le fait qu'il soit étudiant ne doit pas l'empêcher de profiter de ses autres frères. C'est pas parce que toi tu es étudiant que ça veut dire que ton frère qui est à côté de toi, il ne connaît pas quelque chose que toi tu ne connais pas. Il se peut que ton frère qui n'a pas étudié te ramène une faïda que tu n'as jamais lue, jamais entendue. Et il se peut que toi, tu vas profiter de son comportement. Tu vas profiter des questions qu'il te pose, etc. Et donc, pourquoi mépriser tes frères? Pourquoi mépriser tes frères? Quand tu ne sais pas, pourquoi ne pas demander à ton frère? Une fois, je me rappelle, j'étais avec certains étudiants. Et il y a un mot, je ne savais pas trop comment le traduire. Je me suis dit, comment je vais faire? Je peux le traduire par ça, mais c'est quoi le mieux? Inch'Allah, je vais demander à mes frères qui ont plus d'expérience que moi dans la traduction. J'ai demandé, j'avais cité le frère Othman. Je vais demander à Othman, voir comment il traduit ça. Il y a un frère étudiant qui m'a dit, quoi? Tu demandes à Othman? Mais nous, on est à Médine. On est auprès des savants. Aouzoubillah. C'est ce qu'on a appris auprès des savants? Jamais. Abadan. La yakunu rajulu aliman hatta yata'allam mimman huwa mithlahu wa mimman huwa fawqahu wa mimman huwa dunahu. La personne ne devient pas un savant tant qu'il apprend de celui qui est au-dessus de lui, et de celui qui est comme lui, et de celui qui est en dessous de lui. Sois humble. Cela fait partie des comportements de l'étudiant en sciences. ثم من الآداب المهمة التي من تخلل عنها لم ينتفع بعلمه بل كان حجة عليه العمل بالعلم. Et parmi les comportements importants dont celui qui les délaisse, il n'aura pas profité de sa science. Mais celle-ci sera une preuve contre lui. Le fait d'œuvrer avec ta science. On l'a dit, le frère Mahdi l'a dit. Œuvre avec ta science, tu es venu pour apprendre, tu dois œuvrer avec celle-ci. Et'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Est-ce que vous ordonnez aux gens la piété et vous oubliez vos propres personnes alors que vous récitez le livre? Afala ta'qilun? Ne raisonnez-vous donc pas? Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici blâme celui qui n'œuvre pas avec sa science. Et tous les jours, on récite surat al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de rectitude, la voie droite. Sirat al-ladina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as couverts de tes bienfaits. Ghayril maghdoubi alayhim wa lad-dallin. Et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Ceux qui ont encouru ta colère, donc, à leur tête les juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas œuvré avec leur science. Il y a beaucoup donc de textes qui montrent cela. Akhraj al-Tabarani, fil Mu'jam al-Kibir, an Jundub, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal, mathalul alim, الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'exemple du savant qui enseigne aux gens le bien et qui oublie sa propre personne est comparable à la lampe qui va éclairer les gens et qui va se consumer, se brûler. Sahahahu al-Albani. Authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah. Et donc, on doit faire attention, les frères. Œuvre avec ce que tu apprends. Wa qala al-Hafidh an-Nawawi, rahimahullah, wa minha. Et al-Hafidh an-Nawawi, il dit donc, et parmi celles-ci, c'est-à-dire parmi les comportements, les mœurs, دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره. Il y a le fait que tu te rappelles tout le temps que Allah tabaraka wa ta'ala t'observe. Lorsque donc tu es en public ou lorsque tu es seul, tu dois tout le temps te rappeler de cela, avoir la taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Muhafizan ala qira'at al-Qur'an. Tu dois continuer, persister dans la lecture du Coran, il dit Nawawi. Rappelez-vous la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et le prophète a dit, le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple ont pris le Coran comme objet délaissé. Il n'a pas dit mon peuple ont délaissé le Coran. Ils ont pris le Coran comme objet délaissé. Ils l'ont pris. Il est là. Ils te prennent. On prend quelque chose, mais qu'on n'utilise pas. Ils ont pris le Coran. Tu vas dans chaque maison. Les musulmans, tu vas trouver plusieurs nosars du Coran. Mais on le finit quand le Coran? On le lit quand? Et donc, le Coran n'est pas un objet de décoration. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu marques, c'est marqué Bismillahirrahmanirrahim, Yassine ou autre. Taïb, est-ce qu'on le lit? Il faut faire attention à ça. Lis le Coran. Il continue le Nawawi en disant Wa nawa fil salat wa sawm wa ghayriha. Et donc, tu dois aussi accomplir les actes surrogatoires parmi la prière, le jeûne et autres. Et donc, on revient à ce qu'on a vu précédemment. Que oui, c'est mieux d'étudier la science. Mais si tu étudies la science, normalement, ça te pousse à accomplir des actes surrogatoires. Tu ne vas pas les délaisser. C'est pas parce qu'on te dit que c'est mieux de faire talab al-ilm que ça veut dire que tu dois délaisser la prière. Tu dois continuer à accomplir cette prière parce que tu œuvres avec ce que tu apprends. وكذلك من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يحافظ عليها قوله لا أدري. Parmi les mœurs et les bons comportements que l'étudiant doit préserver, le fait qu'il dise la أدري, je ne sais pas. الحافظ النووي. Et donc il dit الحافظ النووي. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يستخرون منه وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك. Et donc il dit, si une personne interroge, vient avec une question qui est surprenante, alors il ne se moque pas de lui. Et s'il est interrogé sur quelque chose qu'il ne connaît pas, ou il y a un sujet abordé durant le cours qu'il ne connaît pas, alors qu'il dise « La a'rif, je ne connais pas, je n'ai pas vérifié cela. » La yastankifu an dhalik. Il ne va donc pas rejeter cela, il ne va pas donc sentir qu'il ne doit pas dire cette parole, la adri. Famin ilmi l'alim an yakula fi ma la ya'lamu la a'lam. Et il fait partie de la science du savant que lorsqu'il fait partie de la science du savant qu'il dise concernant ce qu'il ne connaît pas, je ne sais pas. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. Faqad qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ya ayyuhan nas, man 'alima shay'an falyakul bihi wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilmi an yakul lima la ya'lamu Allahu a'lam. Ensuite il dit al-Hafiz an-Nawawi, et certes Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, ô gens, celui d'entre vous qui connaît quelque chose, alors qu'il le dise, et celui d'entre vous qui ne connaît pas, alors qu'il dise, Allah est plus savant. Car, certes, fait partie de la science le fait de dire d'une chose qu'on ne connaît pas, Allahu a'lam, Allah est plus savant. وَكَذَلِكَ مِنَ الْأَدَبِ الَّتِي يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَلِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا أن يحرص على الحضور ولا يترك الشيطان يبعده عن ذلك لأي عذر خفيف. Et parmi les bons comportements que doit détenir l'étudiant en sciences ou l'enseignant est le fait qu'il s'efforce d'assister au cours et de ne pas laisser le shaitan le faire s'éloigner des durus pour n'importe quelle raison, n'importe quelle excuse. J'avais un de mes enseignants à Médine. Souvent, il disait, avant, quand les femmes accouchaient, elles étaient seules à accoucher. Aujourd'hui, les femmes, elles accouchent. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme si leurs époux aussi, ils accouchent avec elles. Ils s'absentent toute une semaine. Quand il revient, tu lui dis, t'étais où? Ma femme, elle a accouché. Mais, ouais, ta femme, elle a accouché, ouais. Mais toi? T'étais où? Et donc, tout ça pour dire que les frères, souvent, on a tendance à chercher n'importe quelle excuse pour ne pas assister au durus. N'importe quelle excuse. Al-Hafidhu al-Nawawi rahimahullah, il dit yanbaghi li kulli wahidin minhuma an la yukhilla bi wazifatihi li urud maradin khafifin wa nahwihi mimma yumkinu ma'ahu al-ishtighal wa yastashfi bil ilm. Franchement, ces paroles de Al-Hafidh al-Nawawi, elles sont magnifiques. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de les citer dans l'introduction du livre, même si ça nous a pris un peu de temps. Walaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit Al-Hafidh, et il convient à chacun des deux, l'enseignant et l'élève. Il convient qu'ils ne délaissent pas leur occupation, c'est-à-dire l'étude. Chacun des deux, quelle est leur occupation? Celui-là, il enseigne, l'autre, il étudie. Et dont il convient à chacun des deux de ne pas délaisser leurs occupations à cause d'une excuse, à cause d'une maladie, à cause d'une maladie qui le touche, une petite maladie, maradin khafif, d'une petite maladie qui le touche, ou autre qui va dans ce genre. Parmi tout élément, toute cause, qui fait qu'en réalité, il peut participer à ce cours. Il peut œuvrer. Il a la grippe. Ah, aujourd'hui, j'ai la grippe. Je ne vais pas aller au cours. Aujourd'hui, j'ai telle chose. Je ne vais pas aller au cours. a un tout petit peu mal à la tête, je ne vais pas aller au cours. Ça, c'est Shaitan. Shaitan qui fait tout pour t'éloigner de ses assises de science. Ces assises de science qui sont les causes qui vont faire augmenter ta foi. Ijlis bina anouk min sa'a, disaient les salafs. Assieds-toi avec nous. On va augmenter notre foi quelques instants. Nous, min sa'a. Et donc, Shaitan, lui, il veut que tu baisses ta foi le plus que possible. Maladie, n'importe quelle raison. Et les sœurs, même chose. Ménage, enfant, ou n'importe quelle excuse qui est bonne pour te faire délaisser les douloureux, tu les trouves facilement. Très facilement. Et ensuite, il dit le Hafidh an-Nawawi. Et il se soigne. Et il a sa maladie. Il vient, il assiste. Et il se soigne par la science. Il se soigne par la science. Les frères, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que Allah, il est capable de tout. Souvent, on pense aux médicaments. Comme on dit souvent, la carte vitale, la pharmacie. On pense à tout. Sauf au fait que Allah, il est capable de tout. Faut pas l'oublier ça les frères. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.